Je circule sur une route à chaussée séparée. En marche normale, je dois circuler dans la voie de droite et utiliser la ou les voies de gauche pour dépasser. Même si le véhicule rouge est mal placé, je n'ai pas le droit de le dépasser par la droite. De même, je ne peux pas envisager le dépassement par la gauche puisque j'aperçois dans le rétroviseur un autre véhicule qui circule dans la voie de gauche et qui s'apprête à me dépasser. Réponse B et D.